Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4h. Critique de Crowd. Ben oui, je critique les foules. Je t'observe, je danse avec toi, je vis des choses avec toi. Et oui, j'adore aller dans toutes sortes de spectacles cette semaine. J'arrête pas de dire que je veux plus souvent te rencontrer, ma bande de rappeurs. Alors oui, deux critiques de spectacles à saveur. Plus ou moins... tu vois, j'hésite déjà parce que oui, je vais faire une critique de Nelly. Ce n'est pas des blagues. Ouais, il fait dans le hip-hop R&B et ensuite une critique de Bad Bad Not Good qui font dans le jazz. Mais oui, avec plein de collaborations avec des rappeurs. Alors, je n'ai pas tout à fait tort à faire un presque spécial hip-hop. Oui, dans des zones un peu inattendues. Tu vois comment je le vis drôlement d'être allé voir Nelly. Ah, c'est à suivre. C'est à suivre parce qu'il l'aura suffit qu'une seule phrase dite dans la foule pour amener plein de questions en moi. Alors, je suis bien heureuse d'être allée voir Nelly, même si je m'y attendais pas du tout. Écoute, je savais même pas que t'es en spectacle dimanche dernier, avant dimanche. Alors, c'est à suivre pour l'anecdote. Et sinon, oui, Bad Man Not Good qui était en spectacle mercredi dernier au MTLUS. Un très beau spectacle avec un renversement crowdien qui fait que je suis rendue vraiment, vraiment fan du groupe. Ça a été un moment merveilleux. Je suis très heureuse d'avoir été parmi vous. Crowd. Sur ça, ben écoute, il va y avoir plein de beaux anecdotes qui parlent entre autres de noix, d'épaule pis de punk. Parce que, hein, on aime ça passer du punk à critique de crowd, même si je vais parler de hip-hop. Mais, on va commencer tout en douceur. Nouvel album et aussi le début de sa carrière solo à Frank Cousteau et son album Départ Doux. Alors, ben, Départ Doux, en passant, c'est pas doux, des OUX, là, quand je dis tranquille, c'était plutôt le moi. Et on s'en va entendre de la bien délicate Le Goéland. Que je mette une selle sur le dos d'un goéland pour aller visiter ces endroits que naturellement ma situation de non-élite m'empêche de connaître. Sauf quand je suis en haut d'un building puis que je regarde par ma fenêtre. Ça serait dans le temps que je sac mon camp. Je peux plus voir un Tim Hortons. Je veux plus qu'on parle des Canadiens de Montréal. Ceux grâce à qui se vend le journal à leur nom. Paraît qu'il y a tant de culture qu'on peut pas la compter. Qu'il y a tant d'expérience à tenter que c'est juste impossible de goûter au centième en une vie, mais le plus terrible paraît que j'ai une planète sur le bord d'exploser. Ça, on s'en parle pas trop au resto un matin. Je comprends ce qui se passe, je vis dans un journal à potin. Non, on s'en parle pas trop au resto un matin. Je comprends ce qui se passe, je vis dans un journal à potin. C'est la vie d'avoir des vies de con. Dans lesquelles on se dit c'est la vie d'avoir des vies de con. Frank Cousteau sur les ondes de CISM. Je crois que c'est ma préférée de l'album. Je me suis promis de bien le réécouter, mais pour l'instant, oui, ma préférée, c'est le Goéland sur son album Départ doux. Vous écoutez Critique de Crowd qui... Oui! Ben oui! Petit craire, je suis allée voir Nelly à l'Olympia dimanche dernier. C'est tout comme moi, ben, t'avais pas tant suivi sa carrière. C'était un rappeur surtout populaire dans les années 2000, fait dans les pop R&B. Et je crois que son album le plus marquant, ou du moins les gros hits tels que Hot in Here et Dilemma, c'est Nellyville sorti en 2002. Alors, ben oui, déjà un petit bout. Et je dis, t'as, ouais, c'est tout comme moi parce que oui, le nom me disait quelque chose, mais... Son pansement me disait surtout quelque chose. Ouais, j'avais vraiment la difficulté à associer comme une chanson à lui, mais son look a été fort marquant de son petit plaster blanc sur la joue. Paraît-il que ce serait... il a dû trébucher durant une game de basketball, puis là, il était gêné de mettre justement son petit pansement durant un vidéoclip parce qu'il tournait. Il aurait pu l'enlever ou il aurait pu être maquillé. Je sens l'arnaque dans l'anecdote, mais je vais le terminer quand même parce que ça... c'est ce que j'ai su sur le sujet. Mais oui, fait que bref, il a porté un pansement à cause d'une blessure de basket, mais lui, pour avoir l'air plus tough, il voulait que ça soit aussi un message de soutien à un de ses amis qui était incarcéré pour braquage. Pourquoi pas? Mais avec un peu de recherche, j'ai aussi réalisé qu'il portait plus. Oui, j'ai aussi réalisé sur scène qu'il portait plus, mais il me semble que j'ai regardé comme une couple de vidéoclips un matin, puis depuis genre 2004, 2005, il porte plus. Ben, à un moment donné, ça colle plus non plus avec toutes ces années qui passent. Mais autrement, je trouve que c'est une image qui est fort marquante, qui a peut-être fait sa marque de commerce, mais que finalement, n'a pas tant perduré avec le temps. Parlant de temps, ça fait un petit bout là, que notre beau Nelly ne fait pas d'album. Il va sortir un 8e album, oui, bientôt, parce que sinon, M.O. est sorti en 2013. Et ce que je trouve drôle du spectacle que je suis allée voir, il était marqué sur le poster puis sur les dépliants, il était marqué « Tournée promotionnelle ». Tournée promotionnelle, comme avant l'album. Je comprends, d'habitude, on fait comme un spectacle pour faire la promotion de l'album et non comme avant. Mais je trouve ça drôle qu'en soi, ils mettent le mot promotionnel. Je veux dire, faire des spectacles, c'est pas juste beau en soi. C'est pas une finalité en soi. Je comprends pas. Fait que, ouais, le mot promotionnel m'échappe un peu, mais je te garantis, Crowd, de ce que j'ai vu, c'était 100% un spectacle. C'était pas juste comme une espèce de gros stunt marketing. Non, non, c'était un spectacle en soi, mais le mot m'échappe vraiment beaucoup. Là, sur ça, je sais Crowd, qui écoute souvent Critique de Crowd. Oui, je suis plus habituée dans le rock et tout ce qui marche plus. Et aussi, pas nécessairement des trucs hyper mainstream. Et déjà, je vous le confesse depuis le début, genre, non, je le suivais pas même quand j'étais ado. Fuck, qu'est-ce que je faisais ben là? Ben, la raison est tout à fait simple que j'ai... Ben oui, je me suis fait inviter, billet, allez, allons-y, t'es pas game. Il y avait un peu... C'est là que ma critique devient difficile parce que, oui, dans une crowd, il y a comme un microcosme, tu sais, la foule en soi, mais aussi celle de notre gang avec qui on y va. Et j'avoue que... Non, ça ne sentait pas la nostalgie. Ce n'était pas non plus des fans qui avaient continué à l'aimer malgré le temps qui passe et les albums qui ne paraissent pas aussi rapidement qu'ils le souhaiteraient. Il y avait un petit peu de... Un peu de lol dans la démarche, si je peux me permettre. Ouais. Ça, déjà, je trouve que ça peut aussi biaiser ma propre perception de pas pouvoir autant m'immiscer dans la foule et de tenter le pouls du public véritablement fan. Tandis que là, il y avait toujours un angle un peu oblique pour regarder le spectacle. Alors, ouais, pour moi, ça aurait été un peu difficile. Et même les gens avec qui j'étais n'étaient pas nécessairement des fans finis, comme je dis, mais qui connaissaient déjà un peu plus les chansons. Alors, on était dans un bar juste à côté de l'Olympia et ils faisaient « Mais Jolene, tu la connais, la toune? » Surtout, c'est « Hot the Hair », là. Je suis pas, je suis même plus capable de te chanter la mélodie. Fait qu'ils essayaient de la répéter, puis je disais « Voyons, ça me dit rien du tout. » Et pendant ce temps-là, pendant qu'on essaye de me chantonner une chanson pour que je sois préparée au spectacle, ben on prend du retard sur notre soirée. Un peu beaucoup, très fashionably late, comme dirait l'expression. Hey boy! Fait que pendant qu'on était en train de chantonner, ben Nelly chantait sur scène, ce qui aurait été beaucoup plus efficace pour que je me rappelle de ses chansons, puisqu'il est meilleur pour les interpréter que nous autres. Fait que... Oh mon Dieu, on est arrivé là, puis on a vu 20 minutes. Pour des non-fans, peut-être que c'est aussi suffisant. J'ai l'impression que j'ai eu aussi un assez bon échantillon de foule pour vous rapporter quand même un peu l'ambiance malgré tout. Mais ouais, eh boy, boy, boy. Je veux dire, 20 minutes, j'en revenais pas. Ouais. Mais reste que j'arrive sur place et première chose, ben oui, on parle pansement. Fait que il l'a plus sur scène, mais dans la foule, petite clique d'amis. Oui, il y en a, tu sais, ils sont pas déguisés, mais il va avoir le rappel, le pansement, parce que autrement le reste de la foule va être habillé assez chic. Je veux pas faire des associations faciles parce que j'ai pas tant jasé avec la foule, mais j'avais quand même un bon sentiment de gens qui sont habitués de sortir ou de clubber. Et oui, on s'habille relativement bien dans ces endroits-là. Alors, chemise bien taillée, la robe bien ajustée aussi. Le monde était beau. Ils s'étaient grillés pour l'occasion. Ils se sont mis sur leur 36. Et c'est assez bien rempli aussi au partage. J'ai pas fait mon tour au balcon. Alors, quand Nelly nous dit de faire les bras en l'air, ben on fait les bras en l'air. Il y a une bonne ambiance, même une ambiance festive avec des... Ah! Ça, j'avais jamais vu ça avant. C'était des espèces de bâtons. Mais tu sais, comme... Oui, il y a les petits bâtons là, tout minces là, qu'on peut trouver dans les magasins à 1$ qui font de la lumière. Mais non, là, c'était un bâton de professionnel. Là, c'était gros, ça ressemblait comme à une corne de licorne. Mais avec les couleurs d'un toucan, là. On voit le mélange exotique dans tout ça. Mais oui, c'était quand même assez gros. Puis il y en avait plusieurs, peut-être max 5 dans la foule. Mais pas juste une clique qu'on pouvait vraiment précisément dire dans la foule, comme un peu à gauche, un peu à droite. Alors, je sais pas s'il y en avait en vente proche ou c'est un accessoire de spectacle que j'avais jamais vu auparavant. Mais oui, il y a quand même un attrait plus que juste sortir, là. On voit que les gens, ils veulent fêter. Il y a un attrait supplémentaire, là. Alors, j'avoue que j'ai bien aimé là-dessus la foule parce que elle est dansante. Surtout, nous, on n'était pas très en avant. Fait que en arrière, je crois que ça laisse aussi plus de place aux cliques de filles, de pouvoir danser entre elles. Non, il n'y avait pas de cliques de gars qui dansaient, c'est plate de même. Fait que, ouais, de pouvoir danser en rond, on sent plus le fait d'être content de retrouver les chansons, danser entre elles, en rond, donc face à face. Tandis que les couples vont être plutôt à danser dos à dos. Hey, je suis pas capable de vous le raconter, crowd. Bref, les deux, leurs faces sont en avant pour mieux checker Nelly. Fait que tu danses en couple, mais en checkant Nelly, là. T'sais, ton attention sur la vedette. Hey, je dis ça, puis le pire, c'est qu'il était pas tout seul sur scène. C'était très épuré pour sa scénographie, mais il y avait un autre rappeur non identifié sur scène et un DJ. Vraiment, là, si vous étiez au spectacle, j'aimerais ça savoir c'était qui l'autre gars, parce que j'ai jamais su, j'ai pas trouvé c'était qui. Ça reste un mystère. On est resté 20 minutes, plutôt on est arrivé, puis ça a duré 20 minutes. On a quand même eu l'occasion, justement, d'entendre les gros hits, les deux seuls qu'on connaissait, mais je suis contente. On voyait aussi l'enthousiasme qui allait à son paroxysme à ce moment-là. Là. Ça, si, de façon générale, ça pétillait comme un beau 7-Up, un gin 7-Up! Ouais, ça filait de même dans la crowd. Là, on voyait que c'était beaucoup plus punché, là, plus l'enthousiasme était beaucoup plus fort, et surtout, ben des cris et ben du cellulaire. Fait que là, du début à la fin de la toune, le film parce que tu veux le garder bien en souvenir. Fin du spectacle. Et j'ai trouvé qu'il y avait une grosse notion de souvenir, justement. Non, c'est pas c'est pas propre à Nelly, pis c'est pas propre non plus à ce genre-là musical de vouloir prendre des photos, mais de prendre des photos d'amis, pas en selfie, mais vraiment demander à quelqu'un d'externe de prendre une photo de groupe à la fin du spectacle, bien placé, bien cordé, tout en ligne, tout sourire. Ça, par exemple, j'avoue que je vois ça moins souvent, puis j'ai trouvé ça beau. Encore une fois, dans la notion qu'il y a, une notion marquante du spectacle en soi, et il y avait aussi un gros line-up. Pour de vrai, je sais pas c'est quoi encore l'intérêt qu'il y a autour de Nelly, mais certainement, il y a un fanbase encore fort, parce que oui, il y avait des billets en vente VIP, mais il y avait une grosse, grosse file d'attente, là, justement, pour atteindre le backstage, pas 3-4, là, vraiment une grosse file. Alors, ils sont présents. Des fois, il y a des artistes comme ça qu'on fait c'était un hit de jadis, mais non, il y a des gens qui continuent à les suivre, les aimer. Alors, c'est bien surprenant d'aller à votre rencontre crowd. Sur ce, oui, j'ai parlé de danse en couple, mais il y a une notion de couple qui, ouais, m'a amené bien des questions, fait que c'est à suivre, crowd. Sinon, en 2002, je sais pas toi, qu'est-ce que t'écoutais. Peut-être que tu écoutais Nelly, c'est très, très, très possible. Mais moi, j'ai regardé ce que j'écoutais en 2002 et des albums qui sont sortis en 2002. Je pense entre autres au Vulgaire Machin. Oh, on s'en va écouter Aimer le mal et la chanson La chasse est ouverte. Yeah. comme mes oreilles avaient envie d'être décapées par Le Nombre. Je regarde l'album Le Nombre, puis il y a tellement de bonnes chansons, Laissez venir à moi les grandes brunes et Pourquoi conquérir le monde, mais je vous ai plutôt passé, J'ai besoin d'un appareil, parce que ouais, à chaque fois que je l'écoute, je me dis toujours comme ouais, ça annonce ici que l'écouter trop fort, un jour j'aurai besoin d'un appareil. Et sinon, vous avez aussi entendu Les Vulgaires Machins et l'album Aimer le mal et la chanson La chasse est ouverte, alors voilà des gros hits. Pas les hits de Nelly, non, mais les hits de 2002 dans mon cœur et peut-être même les vôtres et aussi un peu ceux de La Marche, parce que oui, tu écoutes CISM. Je te parle de Nelly et... Oh mon Dieu, c'est fou comment c'est une phrase si simple. Mais en même temps, je vais la mettre en contexte parce que là, je sais, crowd, en ce moment, tu m'écoutes et tu te dis « Jolène, on ne sait pas le contexte, là, on ne sait pas de quoi tu parles. » Effectivement, c'est durant le show de Nelly. Et ça peut arriver, comme dans plein de spectacles, qu'il y a des filles qui vont se jucher sur les épaules de leur comparse dans la crowd, amis, copains, proches. Mais cette fois-ci, ce n'est pas tout à fait le cas. Puisque c'est avec un inconnu. Et justement, c'était un de mes comparses à The Crowd à moi. Puis la fille, avant tu sais, de pouvoir se jucher sur son épaule, elle a demandé « T'es-tu en couple? » Moi, sérieusement, ça me mélange. Parce que je comprends pas le... À la base, là, je comprends pas le lien entre tu mets comme quelqu'un sur tes épaules et ton état matrimonial, tu sais. Mais ça, il n'y a pas de lien. Mais ça, c'est pas si intime que ça. Mais ça, est-ce que tu pourrais être jaloux si, mettons, tu fais comme « Oh mon Dieu, il y a une autre fille sur les épaules de mon copain. Je suis possessive. Que se passe-t-il? » Tu sais, mais ça, t'es en spectacle, c'est relativement explicable. Par contre, là où elle a quand même raison, moi-même, je l'ai dit en début de micro, amis, comparses, chum. Oui, c'est souvent des filles aussi qui vont être sur des épaules, moins souvent des gars aussi, l'inverse. Là aussi, il faut avoir la capacité de soutenir la personne, dépendamment de son poids. Mais c'est souvent quelqu'un de proche à nous qu'on va demander de nous soulever. C'est comme une question délicate. Et je savais pas comme pris l'ampleur de ça avant Nelly, vraiment. Parce que la dernière fois, je pense que j'ai été sur les épaules de quelqu'un et c'était un inconnu qui a fini par être mon ami. D'Oshiaga. Mais oui, c'est parce que le Ben, c'était 21 Pilots, puis ils ont demandé aux gens dans la foule, justement, de s'agripper les uns sur les autres. Fait que ça a été quand même, oui, une indication par le groupe qui avait peut-être moins de gêne. Et même là, c'est vrai qu'il y a une certaine forme, tu sais, d'avoir un peu de front pour aller voir quelqu'un que tu connais pas, puis t'es comme, hey, moi j'embarque sur toi, penche-toi que je monte sur tes épaules. Et c'est vrai qu'il y a une démarche quand même plus laborieuse et peut-être un peu plus longtemps, parce que jamais quand ça commence puis quand ça termine. Tu sais, comme souvent, je vais demander de l'aide pour body surfer, mais c'est le temps de me donner une petite poussée, là, tu sais. Ça a quand même pas si long que ça. Tandis que tenir sur tes épaules, c'est le temps d'une chanson, deux chansons, la fin du spectacle, jusqu'à t'en ramener chez vous. Tout un livre sur tes épaules. Mais, ouais, parce que autrement, et là, vous pourrez me dire que je suis de mauvais goût, mais parce que sur le coup, quand je me suis dit, voyons, es-tu en couple, qu'est-ce qu'il y a de si intime d'être sur les épaules d'un inconnu? Sais-tu le fait que ton entrejambe soit à côté sur une nuque étrangère et non amoureuse et non en couple, qui fait que ça pourrait porter à confusion sur votre relation entre le supporté et le supporteur? Mais ça que je pousse un peu loin, tu sais. Mais sinon, pour de vrai, sur le coup, j'en voyais aucun problème. Puis non, je peux pas juste associer, disons, cette réflexion-là au spectacle de Nelly ou à un certain genre musical. Je suis certaine qu'on pourrait entendre cette phrase-là dans d'autres contextes ou que certains l'ont aussi en tête. Mais ouais, épaules et états matrimoniaux, j'en reviens pas, mais je suis vraiment heureuse de cette réflexion-là. Alors, merci à toi, fille, qui a bien trippé, qui a pu bien voir le show et bien voir Nelly le temps d'être sur des épaules. Alors, voilà, on va écouter encore des hits de 2002. Allons-y, gaiement! J'étais perdu, j'étais couché là dans le sable. La matinée est belle et bronzée. Puis là, dans mon bas, je l'ai vu et me suis dit, ah, qu'il est beau, le carapace, il a des pattes qui s'étirent et de grands yeux d'or. Demandez-moi, et les mecs que j'en ai fait. je l'ai pris, ramené chez moi, pis là je l'ai montré, pis j'ai été enchanté, enchanté. Je les vestons, j'ai appris des tours, des faisis le beau, faisais le beau sur ses pinces, caille, caille, caille. Camisole peinturée en jaune et en bleu, c'était le plus beau des crabeux. Tellement de ciel de dame, il le gardait dans ma poche. Je voulais pas le montrer, mais tu sais, c'est quand je recevais des invités, c'était plus fort, je le sortais et criais enchanté, enchanté. Des os bras, cadabras, tête de chat et corps de par un coup de plus de pattes, plus de pince, mangeait des bœufs et cherchait un milieu à que je l'ai saigné. À coup de mort, pouvais plus le garder pauvre, plus le mettre dans ma veste, ma veste laine, grosse peuple peine. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré car je ne pouvais plus hurler. Enchanté, enchanté. Crabe! Crabe qui ne finit plus de finir. Ben oui, vous aurez reconnu les ghouls. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Un autre classique de 2002. Après les publicités, Bad Bad Not Good, Bad Bad Not Good. Encore plus de Bad Bad Not Good avec Critique de Crowd. À tout de suite. Au Quai des Brumes, nos spectacles sont lundi 26 mars, Vaincre la nuit. Mardi 27 mars, série guitare, jazz latin. Mercredi 28 mars, la nuit émergente. Le jeudi 29 mars, Janine Janine présente Perdri, lance rock poutine. Vendredi 30 mars, Soul Hans de Castangs et Jane Dark. Samedi 31 mars, Woodhawk Magnetic North Tour 2018 avec Mountain Dust. Dimanche 1er avril, en 5 à 7, Deplug présente Alex Burger. Et en soirée, P.K. Tessman et Karen Ellis. Quai des Brumes, coin Mont-Royal et Saint-Denis. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook. Voir un classique en famille sur écran géant? Quoi de mieux pour commencer sa journée? Présenté au cinéma du parc les samedis et dimanches matin à 10h, découvrez Matin au parc, une nouvelle série de films qui conjugue classique et perles rares pour petits et grands. Matin au parc, le rendez-vous matinal pour la relève des cinéphiles. Maud Audet en spectacle à Montréal avec son tout dernier album, Comme une odeur de déclin. Je t'aimerai plus fort, toi qui laisses mes creux. Le 5 avril à la Sala Rossa avec Vanille en première partie. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Comme une odeur de déclin, disponible partout. Mes rêves et Vous écoutez CISM 89.3 FM. Dans le frige de la bière sur ma table, de la bière dans sa caisse. Arrêtez, j'suis pas capable, pas pour rien que j'engraisse. La bière dans mes cheveux le lendemain matin, la bière dans mes yeux, j'vois quasiment plus rien. Du houblon dans ma vie au gré des jours de pluie, plus de bière quand tu sens un alambic mouvant. Ah, ah, ah, ah, ah. Ben sous, pis sans dessus dessous. La bière, ça rend jaloux, la bière, ça rend fou. Ça peut te rendre débile comme ça peut te rendre tranquille. La bière, ça rend soude, la bière, ça rend mou. Ça peut te rendre achalant comme ça peut te rendre plaisant. La bière, c'est pratique si tu te trouves pas beau. Ceux-là qui sont sceptiques, mettez-vous donc toute chaude. La bière, c'est le fun quand t'es au volant. Tu pognes le clos, tu meurs au bout de ton sang. Ah! Ah! De plus de 18 ans. Chimard sur les ondes de CISM. Puis Orloge Chimard, il organise un... Ben, plutôt, ils vont être présents pour un spectacle. Je suis pas sûr que c'est eux autres qui l'organisent. Mais c'est tout un spectacle quand même qui va se passer au Club Soda ce soir. Grosse soirée. Et ça s'appelle Grosse soirée avec les messieurs et Cyrose et Cendrier. Là, j'ai dit beaucoup de « là, mais en tout, il y a trois groupes. Mais ouais, ouais, soirée Grétis, je vous le suggère bien fortement parce que ça risque de bien s'énerver. Vous avez entendu la chanson « Hymne à la bière » parce que je crée bien qu'il va en avoir, qu'il va revoler dans les airs au Club Soda. Ben oui, vous écoutez Critique de Crowd qui vous fait tout plein de suggestions parce que je te parle de spectacles, je peux pas toutes les voir, mais il y en a tout plein d'intéressants. Alors, les voici. Et là, mon autre suggestion, c'est oui, c'est un spectacle, mais c'est aussi ce qui reste à suivre puisque c'est le dévoilement de Distorsion Psyche 2018. Fait que bien hâte de voir la prog. Alors, pour l'apprendre plus tôt, ben c'est ce soir à l'ESCO, mais il va y avoir aussi un spectacle de Dead Medlow. Et vendredi, bon, ça, je les aime bien. Je crois que je les passe pas assez souvent, mais je les aime beaucoup. Rancœur seront en spectacle dans Schlager Maisonneuve puisqu'ils vont jouer au Atomic Café. Sinon, vendredi, là, tu vois, mon cœur, il hésite, là, mais oh, nouvel album pour Dog Century. Et puis, ça fait un petit bout, là, que leur dernier album, je trouve que ça fait 4 ans. Fait que j'ai bien hâte de l'entendre. Peut-être j'y serai au Piranha Bar pour le lancement de Dog Century. Samedi, ça va être bien grind avec Patente. Il va avoir aussi Piron, Cléric et Bizabéillé. Ça, c'est le moment qu'il y a beaucoup de consonnes et d'accents circonflexes que je ne sais plus où passer. Alors, va voir ce spectacle et aide-moi à bien le prononcer. Ça se passe à la Vitrola Patente. Dimanche, Alex Burger va être au Quai des Brumes. Lundi, c'est drôle parce que j'adore aller à la bibliothèque et j'emprunte des fois des albums ici et là. Et c'est comme ça que j'ai découvert bien récemment et un peu sur le tard, Land of Curse. Puis ils vont jouer lundi à la Sala Rossa, allons-y gaiement. Mardi, ben oui, parce que lundi, c'est congé. Alors mardi, petit décalage sur les francs-couvertes qui traditionnellement sont les lundis et c'est la dernière soirée des préliminaires. Mercredi, finalement, il y a Forever a Better Person à la Casa del Popolo. On va continuer en musique avec les chansons du palmarès anglo... Non, pas anglo, que c'est celui-là qui a le lapsus, j'en pense jamais. Alors, un jour, peut-être, tu vois, déjà, on va en passer de l'anglo ou de l'instru tantôt avec Bad Bad Not Good, mais d'ici ce temps-là, on va écouter du franco avec Maud Audet et Simon Kingsbury. Tu vois derrière mes

tuer la bête de son nouvel album Plaza. Vous avez entendu Simon Kingsbury en 9e position du palmarès francophone de CISM et sa voisine de palmarès en 10e, Maude Audet, et la chanson Nos Lèvres Tournées qui se retrouve sur son nouvel album également. Et il y en a tout plein de nouveaux albums et de plein de belles musiques qui se retrouvent sur le palmarès francophone et anglophone, comme j'ai mentionné. Alors là, c'est de CISM, des applications. Je te mentionne jamais Instagram. Va falloir que je m'ouvre un compte parce que depuis plusieurs semaines, je vous tease avant l'émission et je ne vous le partage plus sur les ondes de CISM. Alors, pour du visuel, ce que la radio n'offre pas, allons-y gaiement, plein de réseaux sociaux et tout plein de CISM. Et oui, tu écoutes La Marge avec Critique de Crowd, qui est, oui, parfois un peu confuse en ondes, mais toujours aussi spontanée. Et la spontanéité, je ne l'ai pas juste en direct, la radio, je l'ai aussi comme, je sais pas, dans la vie de tous les jours. Et oui, dans mes critiques, ça, il y a l'enrobage du spectacle. Et je crois que ça fait peut-être des fois une différence sur notre appréciation du show, mais je sais pas, pour moi, c'est déjà l'avant-spectacle. Je te dis tout ça parce que ma spontanéité ou juste mes cheveux verts ont fait en sorte que, avant le spectacle de Baba Not Good, ben, il y a un punk, vraiment un cross-punk, là, tu sais, avec les ongles un peu bruns, là. C'est mon niveau de cross, là. Mais un cross-coquet, puisque il s'est assis comme à côté de moi. Ben, le siège à côté, on n'est pas proche-proche, mais juste assez pour qu'on puisse se voir de face. Et il fait « Hey, tes cheveux, c'est cool! » Puis là, on commence à parler de... oui, on commence à parler de nos teintures respectives. Les punks, c'est tous des coquins. Fait que... Parle, jase. Ben, écoute, on parle aussi... Ben, on dit nos noms. C'est drôle parce que on s'est mis à parler de nos noms et de parler de musique en conséquence parce qu'il a dit « Moi, je m'appelle Jolene comme Dolly Parton, hein, Jolene! » Puis là, il était comme « Non, ça me dit rien du tout parce que j'écoute pas de country. » Puis j'étais comme « Ah, zut, flûte! » Puis là, j'étais comme « Me first and gimme gimmies! » Puis lui, il s'appelait Dylan! Puis il était comme « Bob, comme Bob Dylan! » Fait que tu vois, c'était... on était déjà partis pour une grosse conversation de musique et en même temps, je l'ai un peu... Je l'ai un peu scrappé en disant « Hey, c'est quoi ton band préféré? » Et quelle question atroce à poser déjà dans la vie à un mélomane. Tu sais, c'est rare que t'as juste un band préféré dans la vie. Et encore plus quand t'es, ben, justement, le type punk crusty avec plein de patchs, de plein de bands, mais il n'y en a pas une plus grosse que les autres. Tu le vois qu'ils aiment de façon égalitaire ces groupes musicaux. Alors, il était comme « Sérieux? Je pourrais même pas te dire. » Et justement, on fait comme « Hey, il s'en allait à un show. » OK, c'est le moment où il parle en anglais, puis je me suis améliorée, mais je comprenais pas tout. Mais quand ils m'ont renvoyé la question où j'allais ce soir, je me sentais tellement pas punk de dire je m'en vais voir Bad Bad Not Good. Ben, c'est quand même moins pire que si ça avait été juste avant le show de Nelly. J'aurais eu aucune crédibilité avec mon côte de cuir. Là. J'aurais eu l'air comme je me prends pour une teuf, mais je vais voir Nelly puis je vais faire des yeah, yeah, danser. Mais non, c'est pas que je ressentais de la gêne, c'est juste que je trouvais que ça faisait un drôle de timing. Tu sais, j'osais punk avec un punk puis d'aller voir Bad Bad Not Good. Ça, c'est parce que je ne savais pas encore la fin de ma soirée, parce que je n'ai pas des pouvoirs qui me font voir dans le futur. Sinon, j'aurais déjà su que Bad Bad Not Good, ça allait avoir une finale assez punk. Merci. Ah oui, j'ai vécu de quoi. Ça a été assez magique. C'est un groupe, comme, mais ça, on aime beaucoup à la station et qu'on voit qu'ils passent quand même assez souvent. Mais si vous ne les connaissez pas, ben oui, c'est un groupe d'électro-jazz qui viennent de Toronto. Et c'est un trio qui est devenu un quatuor. Alors, clavier, basse, saxophone, batterie. Et comme j'ai dit en début d'émission, oui, il y a beaucoup de morceaux qui ont des collaborations dans le milieu hip-hop avec Kendrick Lamar, Tyler, The Creator, Earl Sweatshirt, Danny Brown, Ghostface Killa, Kate Ranada, puis là, je vais pas toutes les nommer. Alors, je sais pas pourquoi je tenais tant à aller voir ce spectacle-là. Honnêtement, Crowd, oui, j'aime le groupe, oui, j'en écoute, mais pas abondamment. Mais mon instinct, vraiment, genre l'instinct critique de Crowd disait « Il va se passer quelque chose ce soir-là. Il va se passer quelque chose. » Et vraiment, le moment où je me suis dit « Il se passe rien à ce spectacle-là, boum! » Il s'est passé quelque chose. Ça a été magique, ça a été incroyable. J'ai déjà hâte de t'en raconter. Sur ce, pour rendre hommage à notre cross-punk, ben on va écouter cross-punk. Ouais, presque. C'est plutôt le EP un peu cross, un peu emo de Capable, la chanson Crass avait raison. Chanteau et mort, nos histoires de bière, de cadeaux. le party. Grâce avait raison sur les ondes de CISM, vous avez entendu Capable. Et leur EP un peu crust, un peu emo, avec Critique de Crowd, qui te raconte toujours bien des anecdotes avant le spectacle, pendant, puis après. Puis on est encore dans le avant le spectacle. Je pourrais en parler à chaque fois que je vais dans une grosse salle ou presque. Là, ça dépend toujours du niveau de sécurité. C'est juste que cette fois-ci... Ah ouais, à moi, tu vois, à moi titillé, j'en suis encore pas ébranlé, mais ouais, ça me tiraille du dedans, je m'explique. Ben oui, sécurité égale fouille, et disons, relativement... Ça peut être ton sac, ça peut être juste ton linge, ça peut être vite tes poches, ça peut être l'île Sonic, puis montre-moi ton paquet de gomme, là, tu sais. Fait que disons, différents niveaux de sécurité. Je trouvais qu'elle était un peu plus resserrée cette fois-ci, comme il me demande d'ouvrir mon sac, puis là, il me dit, ah, qu'est-ce que t'as? Et j'avais, une jolie collation. Ben oui, j'avais un mélange de noix fancy, là, avec des baies de goji, là, des cachous, là. Fait que, j'ai une belle collation. Ben oui, une très, très belle collation, santé. Et il me dit, jette-la. Il voulait pas que je la garde. Et je me demandais qu'est-ce qu'il pouvait avoir d'offensant. À chaque fois, il me dit, ça doit être la salle qui veut qu'on mange leurs produits à eux. C'est pas comme s'il y avait beaucoup à manger au MTLUS. Je comprends quand c'est un liquide, parce que c'est facile d'amener de la boisson, puis que la boisson, c'est comme très payant pour les salles, et c'est comme le nerf de la guerre. Fait que, aussi, je comprends, puis c'est pas légal non plus d'apporter ton alcool à toi quand le permis de salle permet pas ça. Fait que ça oui. Mais je veux dire, pour tous les hypoglycémiques, tous les diabétiques de ce monde, t'as privé de pauvres noix inoffensives. À part, tu sais, je sais pas, là, c'est pas le conventum des gens allergiques aux peanuts, là, tu sais. Je sais pas, il y avait pas de contexte pour qu'on me dise « Non, mange pas tes canneberges, Jolène! » Fuck! Et surtout, j'ai été surhonnête, là, tu sais. Genre, il m'a demandé carrément si j'avais de quoi, genre, à manger. J'ai dit « Oui, j'ai des noix! » J'aurais pu mentir un peu mieux, mais non, non. La seule chose dans tout ça, c'est qu'à chaque fois que... Enfin, mon analyse ou mon expérience, j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois que la sécurité en fait un peu trop, c'est là qu'il se met à avoir des failles. Parce que oui, tu sais, toutes les autres se sont fait fouiller les poches, le manteau, tes manches. Moi, pendant que j'étais mes noix, il a complètement oublié de me fouiller, fait que j'aurais pu être plein de grignotines dans mes poches! Puis, il s'en serait jamais rendu compte. Alors sur ce, pour tous ceux qui travaillent en sécurité, rigueur, mais soyez moins tough avec gros bois, bras tough, puis des voix autoritaires pendant que... Pendant que des fois, je sais pas, mais finalement, ça devient très relatif comme fouille. Pas que je demande d'être plus fouillé, je demande juste que ça soit plus cohérent. Sur ce, ben oui, je m'ennuie de ma collation, fait qu'on s'en va écouter Collation volume 1 de Des Dobies avec la chanson Raw. Oh, yeah. Ha! Yo, hey yo, what's up, homeboy? Charlie Biz, Goofy Rider. Step on you, take me shoes, never tighter. Up in this bitch, plus the tricks of MacGyver. Drop plus the shit, Gilly Quinn's Patty Selma. Real city downtown, go pick my weed up. Keep shit dirty at my mom, be the dealer. 420 méridien, trop high de latitude. Deux rushs de maghrébin, top notch comme d'habitude. Fuck up au quotidien, boss, pop anonymous. Blanc hollywoodien, star d'un tango à l'évain. Mardi crotch, une série, bombe du Allen Tour. Toutes mes jumps de fée, pop la Marie chante à Dubin. Bon, toute ta face, bouge ta tête, fais le dindon. J'chill avec le mince, pis y'a le chubby garde un pimpon. Burn shit, learn shit, hurt shit, dans le fin fond du rap. Kick it like that, motherfucker. Hey yo, j'suis haut, oh, s'il vous plaît. Roll un neck, roll it, c'est pas pain. Grosse dose de mauve, un clopin. Prosté, félin, drôle, le dialect. Shut the fuck up, passe-moi le cimetière à cigarette. Joe, oh, si gay, des phrases, des chants grillés, open bar, à soir, on va t'enchiller. Hey yo, what's up, qu'est-ce qui se passe, qui t'es? Les têtes down avec le coup qui s'appelle Ross, qui t'es? Ross, qui t'es? Ross, Ross, t'es? Ross, t'es? Ross, t'es? Ross, t'es? Ross, t'es? Ross, t'es? Ross, t'es? Ross, t'es? Ross, t'es? Ross, t'es? Dead obese, motherfucker. Désespéré dans Harlem que par les temps qui courent. C'est comme un gros tas de marde qui cache sous le tapis. know what I'm about. Vas-y, drop it, coupe de pièce, un superman, on stuff your cakes, and mix in my blonde sur the beat, puis la forêt, Cody Banks, hey. Faudrait que ta blonde se calme, et comme. Si tu veux pas qu'il y ait de drame, faut que ton beat, mec, est préféré la vie, c'est fait pour célébrer. Alright, Cody Bangers, c'est du crack, Cody Bangers, let's go. Shout out au boy, Justice Pass, le Jordan Big. Shout out à Willis, DC, qu'on fait tout ton biz. Shout out à Larry, qui go hard, se recèle pour des guitares. Moi qui je suis wrong, comme. J'suis comme, what's really good, translate pour les gars en région, que c'est qu'il faut. Y'a pas de la biquette, c'est pour ça que j'rentre dans Jordan, sorte les feux d'artifice. Demande à l'âge, tu n'en parles pas à chaque clan, on sort de l'âge, mais les gars, ils en demandent encore, baby. You know, j'ai délivré comme, j'ai divers, ça, délicieux d'avoir des comme, oh, j'ai zéro, oui. So, hell yeah, et j'suis la vie fucking fly, même en sortant d'une friperie avec mes habits de prédateur, so. Si loud, c'est le best, dis-toi que j'suis meilleur que le reste. You know, c'est le big blow, Larry. Shout out loud, t'es comme. Yeah, you know what I'm about. Vas-y, drop it, coupe de pièce, un superman, on stuff your cakes, and mix in my blum sur the beat, puis la forêt à Cody Banks, hey. Faudrait que ta blonde se calme, et comme. Si tu veux pas qu'il y ait de drame, fuck ton beat, mec, et préféré la vie, c'est fait pour célébrer. Axe, Cody Bangers, c'est du crack, Cody Bangers. Pas le choix, fais si tu me connais, jamais baisser les bras. Mon doigt pointé vers le soleil, fait cliché, des a must. Les pigeons dans un poste, comme si c'était 8 is enough. Puis ça, c'est non négociable, straight as a motherfucker. Si j'avais pas plein, les prochaines retraites et même pas. Mais j'ai mon doigt vers le soleil, ça vous saviez déjà. Yeah, j'suis back officiellement, mais de façon, c'est pas si différent. Bah, j't'ai jamais gone, un petit peu comme God, omniprésent, sauf aussi du money, mais en tu peux miser. Sur le mésard, ça fait 6 ans que j'get busy pour faire attiser la flamme. Pas toujours easy, les Jesus, les haters disent j'suis méprisant. Moi j'dis qu'ils sont privilégiés de respirer en ma présence, j'suis all in. J't'écoute pas chialer, t'es callous, but talk shit sur ton forum. Fuck off, j'suis harling. Party people in the house. J'casse le micro pis j'suis out. C'est le big blow, Larry. Yeah, you know what I'm about. Vas-y, drop it, coupe de pièce, un superman, on stuff your cakes, and mix in my blum sur the beat, puis la forêt à Cody Banks, hey. Faudrait que ta blonde se calme, et comme. Si tu veux pas qu'il y ait de drame, fuck ton beat, mec, et préféré la vie, c'est fait pour célébrer. Axe, Cody Bangers, c'est du crack, Cody Bangers, let's go. Je t'ai dit tout à l'heure que Kate Renada avait fait des collaborations avec Bad Bad Not Good. L'occasion d'écouter un autre de ses remixes, tels que Cody Bangers avec Lord Ridge sur l'album Gully Plus. Et vous avez aussi entendu qu'on peut interpréter de plein de différents. Je te laisse t'amuser, crowd, chez vous à reprononcer des Dobies, leur chanson qui se retrouve sur Collation Volume 1. Et tu écoutes toujours Critique de Crowd qui te jase. Ben oui! Bad Bad Not Good, ça va finir par arriver, parce qu'il y a une première partie, j'arrive avant le début, c'était, plutôt pendant le début, t'as-tu compris que j'étais encore en retard, comme d'habitude? Ouais. Bref, c'est Standing One... Ah non, attends un petit peu, c'est Standing On The Corner. Et ce groupe, il vient de New York, ils font dans le free jazz expérimental. J'aime bien te mettre des extraits, tu vois, j'ai même hésité à dire leur nom et j'ai beaucoup aussi hésité à t'en passer. Premièrement, comme sur Internet, tu peux retrouver de leur chanson qui dure 30 minutes, fait que là, c'était difficilement diffusable pour critique de crowd qui jase toujours trop. Mais l'appréciation sera pas tant au rendez-vous dans la foule, tu vois. Je suis comme... C'est difficile de le cerner d'habitude comme une première partie. Ça jase, il y a vraiment du jasage en fond de trame, là, tu sais, du début à la fin. C'est quand même habituel, juste l'intérêt. Il y en a qui veulent juste une bonne place, mais cette fois-ci, non! Je sais pas à quel point j'étais avec des gens qui témoignaient beaucoup de leur appréciation autour de moi. Si ça donne comme ça, ou c'était plutôt unanime. Mais par deux clics différentes, j'entends des... pas de rappel, pas nécessaire. Comme quasiment une chanson. C'était pas près de la fin, là. Il avait juste hâte que ça aboutisse. Il a même répété à un autre de ses amis qui dit « Ah non, ça va, merci! » Je sais, comme c'était une blague entre eux autres, mais quand même, de autant verbaliser son sa non-appréciation du spectacle, j'ai trouvé ça quand même révélateur, parce que c'était une foule, de première partie. partie, mais tranquille, comme tout le monde était debout. Ça jase, mais comme je dis, c'était un peu partout en même temps, de façon uniforme. C'était pas hyper fort de, dans le sens où on avait quasiment l'impression qu'on voulait que le groupe dégage. Et aussi, tu sais, ça applaudissait. Là, c'est drôle, les applaudissements. C'est que à tenir ta petite bière, ton petit breuvage ou un verre quelconque, ben ça fait toujours en sorte qu'on a de la misère à applaudir. Puis ça rappelle, ouais, que c'est, oui, c'est notre forme pour dire j'apprécie ce que tu fais, musicien. Mais qu'en même temps, on le fait beaucoup pour l'intention et très peu pour le résultat. Déjà, comme moi aussi, là, je suis pareil. Des fois, ma main est occupée, fait que je vais applaudir, pas dans ma paume, mais sur l'autre côté de ma main. Mais là, cette fois-ci, il y a quelqu'un qui tapait sur son chest, mais avec un tricot. Je me suis dit, comme un gilet moelleux, ça doit bien amortir. Oh oui, le choc de mettre ta main sur ton chest avec un certain élan, mais surtout le bruit qui est comme l'objectif de la chose. Fait qu'on le fait purement pour l'intention. Et en même temps, genre, l'appréciation était pas tant au rendez-vous. Ah, les conventions en crowd, ça m'a fait faire des choses telles qu'applaudir sur son chest sur un bend que tu tripes moyen. C'est possible! Mais non, je crois bien qu'il y a des gens qui ont apprécié. Il y avait du sifflotage là, à la fin du set. Alors, jusque autour de moi, on avait bien hâte à Bad Bad Not Good. C'est à suivre. Alors, pour jaser d'applaudissements, ben on va mettre une chanson d'applaudissements avec les hand claps. Ben ouais, je trouvais que c'était bien d'adon. Et la chanson, j'aime ça parce qu'effectivement, c'est tellement une des notions qui est les plus ancrée en tant que spectateur que c'est dur de le remettre en question, d'applaudir parce qu'on aime ça. Ah! oui, je souhaite que tu sois libre de tes applaudissements crowd quand tu vas à des spectacles, tout en étant bien généreux de ta part pour montrer que tu apprécies le show. Mais aussi, c'est bien correct quand tu n'apprécies pas. Et c'est d'où la raison que je vous ai passé du « Comme un homme libre ». Soyons libres, en spectacle. Et nous avons entendu leur chanson « Cric crac » et vous avez aussi entendu les « Head claps ». Et la chanson « J'aime ça » qui se retrouve sur leur album « Hou hou ha ». Et vous écoutez « Critique de crowd ». Avec cette critique de « Bad bad not good », j'avais pas tant de... À quel point j'avais des appréhensions ou des préjugés envers la crowd. Je sais pas si je m'attendais qu'il se passe rien. Je te gâche pas de punch pour le départ. Je pensais vraiment pas grand-chose. C'était très crowded, ça, par exemple. Durant l'entracte, là, je l'ai bien senti. Tu sais, quand tu restes à ta place, parce que t'as l'impression que tu peux pas aller ailleurs. Tu te dis, ah, mais ça me c'est bon spot. Je suis assez en avant. Puis là, tu vois que les gens arrivent et que ça va être de plus en plus difficile de se déplacer. Parce que oui, en critique de crowd, ben, j'ai toujours envie de me déplacer dans la foule pour voir t'es qui. Mais dans mon entourage, il y avait bien de la chemise propre avec un petit débardeur, là, avec des une belle chemise, avec des délicats petits pois. Là, c'était très subtil. Comme je vous ai dit, du monde avec des tricots pour bien amortir les applaudissements de chest. De la salopette! Il y avait vraiment beaucoup de monde en salopette. Ça, par exemple, je savais que c'était un grand retour à la mode, mais il y avait même des paires de salopettes. Tu sais, des amis qui s'étaient habillés pareil, puis en salopette. Moi, je peux pas croire qu'ils se sont pas appelés ce jour-là. Il y avait aussi, ce gars-là, il m'a quand même intrigué parce qu'il y avait un gilet de Dogtrone, mais c'était pas Dogtrone, mais je me suis dit, est-ce que c'est ces fameux gilets d'imitation de Ben de chez H&M? J'ai eu peur, mais j'étais pas capable de lire le nom de son Ben, et je me suis dit que, bon, pour un groupe de black metal, c'est normal aussi de pas être nécessairement capable de lire son nom de Ben sur son T-shirt. Mystère. Un autre avec un T-shirt de Joy Division? Oui, tu peux constater très peu de... Je sais pas, tu sais, il y avait pas des t-shirts du Wu-Tang. Il y avait des référents musicaux d'un peu partout, mais pas tant de rap. Et je veux pas aller tomber comme, je sais pas, d'un cliché comme « Ah ouais, les gars, il y avait pas les fonds de culottes qui arrivaient aux genoux. » Non, mais juste comme dans la question gaminée, c'était tous des genres musicaux qui étaient, ouais, pas en lien avec ni... Je sais pas, ni le jazz, ni... ouais, peut-être l'électro, mais j'en ai pas spoté, ou pas plus de l'hip-hop. Mystère. Mais c'est pas tant un mystère, parce que ça prouve surtout qu'il y a une très grande variété de gens qui apprécient Bad Bad Not Good, qui est relativement... Ouais, je sais pas, 25-35. Là-dessus, par exemple, dans l'art, je trouvais qu'il y avait plus une homogénéité avec certains écarts types. Mais quand même, c'était comme une variété, une non-variété à la fois. Spectacle commence, puis comme je te dis... Mais oui, c'est tranquille. Mais pour moi, ma première surprise, et elle est plutôt bête, c'est que j'ai réalisé que j'étais trop petite. Non, mais... Je voyais rien. J'avais pas réalisé que mes voisins de face de crowd, là, tu sais, devant moi, allaient carrément me cacher la vue. Fait que je me suis dit, de toute façon, c'est un spectacle. C'est pas le spectacle de ma vie. L'important, c'est d'entendre la musique, d'apprécier. Et aussi, justement, l'appréciation des spectateurs est très sonore. Ça applaudit, ça siffle pour des montées musicales, des punchs. Pas nécessaire. Oui, à la fin des chansons, mais c'est très marqué par rapport à la musicalité, d'où la raison que peut-être que j'y voyais moins la nécessité, même si l'éclairage était beau puis qu'ils sont intéressants sur scène. On dirait que là, je me dis, ah, c'est correct de pas tant bien voir. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie de la crowd. Et surtout, la musique est très enveloppante. Fait que je me sentais bien. Même si, ouais, il se passait pas grand-chose. Je me demandais, quand il se passe rien, ça devrait-tu être un show assis? Et ça me relativisais en même temps là-dessus parce que ça aurait été drôlement... Ça aurait été encore plus plate, puis on aurait peut-être gâché plein de moments qui sont arrivés si ça avait été un show assis, plus la distance qu'il y a entre les gens, la capacité de la salle. Fait que je trouve ça nécessaire, les shows où tout le monde est debout mais qu'il se passe rien. Il y a quand même un attrait à être debout parmi la crowd. Cette chaleur humaine-là, même s'il se passe, il se passe rien. Puis là, il y a un moment donné, je me suis dit, ben oui, c'est vrai, si je veux dire, c'est pas le show de ma vie, c'est pas leur dernier show à vie non plus. Fait que je comprenais pas moi-même pourquoi je tenais autant à rester sur place. Fait que je m'en vais me promener. Et au balcon, là, c'était tout aussi crowded, là, vraiment une tapisserie de gens sur les murs. Tout le monde essayait de trouver, peut-être comme moi, un petit spot pour mieux voir. Et... quand la sécurité n'est pas trop au rendez-vous. Ben ouais, ouais, les escaliers vers les toilettes, là, tout au fond du Métropolis, MTLUS, MTLUS. Ben écoute, c'est vrai que c'est vraiment une belle place pour pouvoir avoir une vue d'ensemble à la fois de la foule et à la fois sur scène. Puis je suis quand même contente parce qu'il y a eu une pause, il y avait juste une partie au piano. Puis je pense que j'aurais pas saisi comme toute l'atmosphère et aussi les autres musiciens qui sont partis de la scène si j'avais pas été en haut. Je pense que j'aurais pas pu saisir. Ouais, tous ces petits détails-là qui restent quand même, ouais, ouais, visuels. Reste que c'est ça, c'est comme tranquille aussi en haut. Fait que je continue d'explorer dans la crowd et je vais vers, tu sais, les espèces de parties un peu surélevées au parterre. Alors, je suis au fond, puis effectivement, quand même une belle vue là. Et c'est là! C'est là! C'est là que je spot! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il se passe de l'action! Puis là, oui, je suis excitée parce que j'y croyais pas partout. Je suis comme, oh non, non! Je vois une tête de gars qui ballotte. Puis je suis comme, oh non, non, non! Là, il est pas juste en train de, je sais pas moi, tomber dans les pommes. Là. T'sais, il s'énerve. Là. Il y a de l'excitation dans l'air. Il y a quelqu'un qui bouge. Allons-y gaiement! Fait que là, j'y accours. Et on s'en va écouter du Bad Bad Not Good. J'ai choisi une chanson où, justement, peut-être qu'on s'énerverait pas, mais je trouve que c'est quand même aussi révélateur de l'ambiance, mais aussi de la qualité musicale du groupe. J'aime bien cette chanson, Speaking Gently. J'imagine tout plein de petites filles. Et justement, c'est pas à ce moment-là, je pourrais même plus dire la chanson, mais, oh mon Dieu, la magie a opéré durant Bad Bad Not Good. Ça aurait peut-être pris du temps, ou c'est moi qui l'avais vraiment pas spoté parce que j'étais complètement à l'opposé, au parterre, en avant. Mais, aïe, aïe, aïe, disons, le corps de fin de spectacle était d'une intensité de... d'un moment, là, vraiment, une communion avec la foule et la crowd, que ça valait, ça valait tout le temps que je me disais comme, ce show est tranquille. À chaque fois, je me le dis dans ma tête, il arrive quelque chose. Puis quand je dis la magie opère, c'est justement ça. Parce que si je me le dis pas, ben il se passe rien. Puis en même temps, je peux pas le non plus l'évoquer. C'est plutôt parce que je le pense foncièrement. Je me dis comme, oh boy, ça va être compliqué de faire une critique de crowd là-dessus. Les gens sont tranquilles et il se passe pas grand-chose. J'en marque rien qui détonne, ressort du lot, comportement particulier. Puis oh, là-dessus, du comportement particulier, là, vraiment complètement. Parce que oui, comme je te dis, il y avait de l'énervement un peu au loin. Je m'approche et surtout, là, j'essaye d'aller à toute vitesse parce que là, c'était dur de passer la crowd qui était... Ouais, tu sais, c'était dense, fait que les déplacements étaient difficiles, mais... Je vois un gars bodysurfer et un beau bodysurf, les bras en l'air, ça dure quand même un bon moment. Il vogue relativement dans le même coin. On voit que les gens qui sont dedans sont tout à droite puis à gauche, ils veulent rien savoir. Fait que, mais quand même, il dure quand même un bout. Puis là, je suis comme, OK, faut que je m'approche. Et c'est à ce moment-là que j'arrive devant une espèce de cercle qui ressemble à une espèce de dance battle, parce qu'un gros trou, tu sais, mais il y a personne qui danse au centre, fait que c'était pas non plus ça. Il y avait quelque chose de très tribal. Je cherchais le leader. Ça ressemblait beaucoup à... Oui, un groupe d'amis, parce que c'était très serré entre eux, c'était quand même assez large, mais j'avais de la misère, par exemple, à vraiment me sentir inclus dans le cercle. J'étais proche, mais on m'a pas pris mon épaule pour faire comme, allez, viens-t'en, fille, t'as envie de participer, viens-t'en. Comme, il y avait quelque chose d'un peu... Fallait être un initié, fallait être les amis de la gang. J'exagère un peu, mais il y avait un petit aspect fermé, mais pas assez pour que je vous dise comme je me sentais pas inclus, comme c'était désagréable. Fait que pendant ce cercle-là, plutôt difficile à joindre, ben ça a l'air d'un caucus de football. Tu sais, ils sont vraiment penchés très, très bas. Ils font des « ah, ah, ah, ah! » Tu sais, ils crient. Ouais, quand je dis « ah, ah! » Tu sais, ils ont l'air d'évoquer des esprits et en même temps de faire « oui, oui, un plan de match, mélange de sport et de sorcellerie. » Complètement, complètement. Et c'est là, et ça fit complètement avec la musique, le trash explose. Puis il y a quelque chose de complètement puissant et démentiel, comme un raz de marée, là, ça ravage. Tu sais, ça déborde sur la partie de gauche qui est trop tranquille. Un bon gros trash, là, d'une énergie... Il y a quelque chose de massif. Quand je dis redémarrer, c'est comme si tout le monde était emporté en même temps, puis c'est en même temps nous qui provoquons le mouvement. Fait que c'est là que ça devient aussi intense. C'était un débordement merveilleux. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'on s'y attend pas non plus exactement. Je dis ça parce que oui... Show de rap n'égale pas qu'il n'y a pas de trash. J'en réécoutais justement. Je fais de la recherche à critique de crowd. Ça paraît pas, là, mais quand même. Il y avait des vidéos de A$AP Rocky, genre dans des gros stades. Il y a genre 5 mosh pits, là. À quoi faut rendre jaloux bien des croqueurs. Puis même Bad Bad Not Good, je vous le partage tout de suite après l'émission, mais au Blues Fest, il y a une vidéo qu'ils ont vraiment filmé que c'est un trash. Mais je trouve que celui-là a une saveur vraiment particulière. C'est pas juste un mosh pit où les gens décident de... Il y avait vraiment des étapes. Le cercle penché, le cri, ça explose. Et après ça, oui, là, il y a plus de mélange avec un peu tout le monde dans la foule, même si, oui, tu peux être comme être penché, proche. Mais il y avait vraiment des étapes parce qu'il y en a peut-être eu d'autres avant des trash, avant que j'arrive. Mais j'en compte 3... plus exactement, quand moi, je me suis pointée. Et durant le trash, c'était pas nécessairement la même énergie. Là, c'était très dévastateur à la première fois que j'étais là. La deuxième fois, c'était plus sautillant. La dernière fois, c'était, ouais, encore une fois, un grand mouvement massif et puissant. Puis encore, ouais, je suis vraiment curieuse de voir s'il y avait un leader. Mais il me semble qu'il y en avait qui avait un peu plus de front. Il parlait, je sais pas, il se pointait. Il se passait quelque chose entre les participants comme que je pourrais pas non plus complètement analyser. Parce que je les ai perdus de vue. J'aurais voulu leur demander, tu sais, si c'était un style particulier. Ouais, c'est le moment où Critique de Crowd voulait le nom. Tu sais, ils appellent ça, oui, c'est un mosh pit, mais comme le avant, y a-t-il un nom précis pour ça? Parce que je me dis, est-ce que c'est un mouvement commun dans le genre musical où je suis complètement à côté? Ou justement, c'est un truc un peu entre amis pour être aussi personnel, précis. Je trouvais vraiment qu'il y avait... Ah oui, il y avait vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de particulier, mais de pouvoir y être inclus et de pouvoir vivre cette intensité-là, c'est incroyable. J'ai vraiment adoré ça. Et ça dépasse quasiment... Ah oui, de loin, bien des mosh pits, genre, qui sont hyper conventionnalisés, là. Ici, oui, finalement, c'est devenu une récurrence puisqu'il y en a eu 3 ou peut-être 4 dans la soirée, mais la façon qu'ils procédaient... Pour moi, c'est une première ou presque. C'est vrai que les trash, comme je pense à Run the Jewel, c'est pas la même saveur que dans un show punk. Il y a des petites variantes. Mais là, vraiment, il y a quelque chose d'unique. Vraiment, vraiment. Il y a quelque chose de... Quand je dis de la magie, mais ouais, il y avait vraiment l'impression d'incanter des affaires. Ça me fait rire. Alors, pour ces sorcières, j'ai bien envie qu'on en écoute... Des sorcières, ou presque, les fils et les filles des sorcières que vous n'avez jamais brûlées de Guérilla Poubelle. Nous sommes les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. Les fils et les filles des sorcières. Nous sommes les descendants de celles que vous n'avez pas pu appuyer. Nous sommes les lesbiennes sans mariage, les sociales. Ah, Guérilla Poubelle, toujours des bonnes occasions pour en passer, encore plus quand il parle de sorcières. Je dis, de la sorcellerie, de la magie, des choses, ben, tout à fait possible puisqu'ils se sont réalisés à Bad Good, là, mais quand même! Autre moment, justement, très particulier et pas habituel dans la crowd. Après ce moment de trash hyper intense, il y a quelqu'un dans la foule, encore une fois, un peu de leur clique, qui décide... elle veut que tout le monde se penche en petit bonhomme! J'ai adoré parce que c'est pas très commun que ça part de la foule, c'est plutôt le groupe qui veut que les gens soient un petit bonhomme. Et aussi parce que ça demande un certain charisme ou un certain leadership pour pouvoir amener toute une foule au complet à se pencher. Mais reste que pour une seule personne, elle a quand même convaincu, quoi, une vingtaine de personnes. Ah, pas pire, pas pire. Ah, juste pour le plaisir de sauter puis trasher par la suite. D'où la raison que c'était plus sautillant durant le deuxième. Autre élément, le body surfer, qui a body surfé durant la première fois, il a poursuivi. Il y a même eu quelques body surfers. Je pense qu'il y en a eu 3 en tout en même temps. Pas des accumulations, mais il y en a un qui était parti. Particulièrement, il upstage, là, il a profité de son moment, il a monté sur scène et il était yeah avec les bras en l'air, va voir plutôt de loin les membres du groupe, puis il s'est relancé. Ce que je trouve encore une fois particulier, c'est qu'il imitait un oiseau. Je sais pas s'il nageait, mais non, il avait l'air de voler, il volait. c'est drôle parce que body surfing, oui, je l'associe plus à quelque chose d'aqueux que d'aérien. Mais là, là-dessus, c'était très beau. C'était moins beau quand il a planté. La chute a été difficile. Pour de vrai, ça a fait un trou dans la crowd. Ensuite de ça, il y a eu un « Oh! » parce qu'il ne se relevait pas vite, finalement. Il a été correct. Mais oui, ça a été la fin des body surf pour le reste de la soirée. Ça n'a pas duré excessivement longtemps. Je pense que ça a été surtout durant une chanson, mais disons que sa chute aurait été assez difficile. Fait que ça aurait convaincu les autres de ne pas poursuivre. Et les petits bonhommes, ça aura été aussi la conclusion du spectacle. Le groupe nous invite à se pencher, puis oui, ça va amener à un autre raz-de-marée crowdien vraiment intense. Mais là, évidemment, tout le monde va se mettre à participer dans la foule. Et j'ai tellement en tête encore le gars juste à côté de moi qui le sent, là, le débordement, le gros poussage. Puis il a dit « Oubliez pas, les amis, c'est juste du jazz! » Et j'aime cette phrase-là parce que oui, ça prouve que c'est pas traditionnel, ce genre de comportement-là dans un show de jazz. Puis c'est là que ça donne encore plus l'intérêt, l'agrément, le plus. Et je trouve que, oui, ça met comme un beau givré joli sur le spectacle de Bad Bad Not Good parce que tu t'y attends pas. Fait que c'est encore mieux, puis c'est encore plus beau, puis c'est encore plus téméraire. Mais il y a aussi une très belle... Tu sais, c'était sécuritaire comme gros mosh pit, là. C'était, oui, ça venait dans tous les sens, mais il y a eu des gros accrochages, justement. Tu sais, trop de monde qui s'implique en même temps. Ça fait beaucoup de monde qui tombe en même temps. Puis vraiment, un cercle de sécurité. Les gens prenaient le temps que tout le monde soit debout pour pouvoir continuer. Alors, justement, on voyait que les gens étaient en connaissance de cause. Parce que, ouais, ils changent de musique, je me serais cru dans un show metal, dans un show punk. Alors, très, très, très beau moment avec Baba Not Good. Un peu, oui, inattendu, mais tu vois, mon instinct critique de crowd me dit qu'il fallait que je sois au spectacle, puis c'était pas pour rien. Sur ça, si t'as des suggestions de show, n'hésite pas, parce que j'aime beaucoup tes conseils, tes suggestions. Mais oui, crowd, merci pour tes commentaires sur les internets. On se revoit la semaine prochaine. Et je m'appelle Jolaine Ruest, c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Puis vous faites bien ça, vous êtes des beaux auditeurs. Bye bye. Les délicates buvettes, les délicates buvettes. Diantre, le moment n'est point choisi pour être assoupi. Nous honorons les établissements de plaisance de notre délectable présence. Rare celui qui vaincra nos connaissances brassicoles extra. Qu'est-ce que vous faites? Toi, qu'est-ce que tu fais? Les bartendes, les bartendes. Non, c'est pas tout le temps d'aller t'étendre. Nous autres, on sort dans les plus nice bars. On te parle de bière comme personne d'autre peut le faire. Serre-moi cette qualité. Pina. Clavecin. Petit soulier pointu. Cocktail de réjouissance. Batifolage. Incommensurable. Nouvelle France, vitalité des ténèbres. Les bartendes, le vendredi à 14h30 à CISM. Cette capsule est présenté par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Vous êtes invité à la cabane à sucre urbaine sur le campus 1000. Tire sur la neige, crêpes et cocktails à l'érable le jeudi 12 avril dès 15h et c'est au 6700 avenue du Rocher. Pour plus d'infos, visitez le campusmiel.umontréal.ca. Vous aimeriez gagner des billets pour plein d'événements? Avec le calendrier culturel Oukanquois, c'est simple et possible. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Visitez Oukanquois et la page Facebook de Oukanquois pour voir comment participer. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Hey, this is Chris from Metz. You listen to CISM. En spectacle à Montréal avec son tout dernier album, Comme une odeur de déclin. Je t'aimerai plus fort, toi qui laisses mes creux. Le 5 avril à la Sala Rossa avec Vanille en première partie. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Comme une odeur de déclin, disponible partout. Salut, petit gars! Ben,